Merci de démarrer votre journée sur Fun Radio. Je m'appelle Anto et on est ensemble pour l'avant-dernière de Summer Fun avec dans quelques secondes Martin Solveig, Jennifer Lopez, Felix Jen ainsi que Deoro. Fun. À 6h sur Fun Radio, on démarre la journée avec une bonne dose d'infos. Elle est signée Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Anton, bonjour à tous. En Italie, après le tremblement de terre qui a secoué le pays il y a un peu plus de 24 heures, le dernier bilan est estimé à plus de 150 victimes et un peu plus de 350 blessés. La protection civile italienne n'a pas avancé de chiffres, mais des centaines de disparus pris au piège de leurs maisons qui sont écroulées alors qu'ils dormaient à point fermé sont toujours recherchés. La police italienne a également fait savoir qu'elle avait mis en place un dispositif pour éviter les chacals, un nom donné aux pilleurs de maisons vidés de leurs habitants après les catastrophes naturelles ou des évacuations forcées. Des camps de tentes ont été installés à proximité de ces villages pour accueillir quelques 2500 personnes qui sont désormais sans toit. L'astronaute Jeff Williams, 58 ans et grand-père de 3 enfants, a battu hier le record de son collègue de la NASA Scott Kelly pour le temps cumulé passé dans l'espace par un Américain, même si le record absolu du Russe Padalka reste loin. Jeff Williams a dépassé hier le record de Scott Kelly qui avait passé 520 jours en orbite. Il a porté ce record à 534 jours dans l'espace. Le record absolu reste cependant détenu par le cosmonaute russe Gennady Padalka, rentré de sa dernière mission en septembre 2015 après 879 jours cumulés dans l'espace. Jeff Williams a effectué son premier séjour sur orbite en 2000 à bord de la navette Atlantis. Il a ensuite séjourné dans l'ISS en 2006. Après plusieurs années de baisse, le taux de chômage des jeunes devrait croître en 2016. Le nombre de sans-emploi âgés de 15 à 24 ans devrait augmenter d'un million à 71 millions dans le monde. Le taux de chômage des jeunes atteindrait ainsi un peu plus de 13% en 2016 et 2017. Globalement, les pays développés sont davantage touchés par le chômage des jeunes que les pays émergents ou en développement. Le chômage des jeunes est plus élevé dans les États arabes comme l'Irak, le Koweït, le Liban ou encore la Jordanie, ainsi qu'en Afrique du Nord où 30% des jeunes hommes et femmes sont sans emploi. En Europe, la situation devrait rester préoccupante avec près de 20% de chômage chez les jeunes dans les années à venir. Chez nous, une fuite d'eau sur le réseau de la société Wallonne des Eaux a impacté les habitations d'une partie du centre-ville de Binche. Hier soir, la fuite n'avait pas encore été localisée avec précision et cela pourrait donc encore prendre un certain temps avant qu'elle ne soit colmatée. Par conséquent, des berlingots d'eau sont à disposition à l'hôtel de ville de Binche pour toutes les personnes dans le besoin. Au total, 15 000 berlingots ont été distribués. Par ailleurs, le député bourgmestre de la ville de Binche, Laurent Devin, a convoqué une réunion préalable au déclenchement du plan d'urgence communal. Un petit mot de sport pour conclure, pour vous dire qu'Alexandre Van Etvang s'est qualifié au deuxième tour des qualifications de l'US Open de tennis. Elle s'est débarrassée en 3-7 de la Russe Kudryavtseva. Elle affrontera au prochain tour la Tchèque Lucie Radeka, 174e joueuse mondiale. Elise Mertens, Anne-Sophie Mesdak et Isaline Bonaventure disputeront le deuxième tour, tout comme Alexandre Van Etvang. Chez les messieurs, Yannick Reuter et Yoris Delors sont déjà qualifiés pour le deuxième tour, contrairement à Arthur de Grève, Ruben Bemelmans et Kimmer Koperians qui ont tous été éliminés. Fun Radio. Dans un instant, sur Fun Radio, côté son dance floor, c'est Martin Solveig qui arrive. On se fera un petit souvenir avec la belle et talentueuse Jennifer Lopez, ainsi que le nouveau Felix Jen et Bonfire. Mais juste avant, côté météo, que se passe-t-il dans le ciel aujourd'hui, Jean-François? Eh bien, le temps va rester ensoleillé avec tout au plus quelques voiles d'altitude. Les maxima seront compris entre 29 degrés en Haute-Fagne ou à la mer et jusqu'à 34 degrés en Campine. Le temps estival se poursuivra avec quelques risques d'orages locaux pour ce week-end. Le prochain rendez-vous de l'info, c'est à 6h30. C'est tout de suite, c'est son dance floor sur Fun Radio avec Deoro. Fun. Fun Radio. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, mano. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, mano. Sabrosito, vamos a bailar. We'll be right back. Belle matinée sur Fun Radio, merci de vous réveiller avec nous. Dans quelques petites secondes, je vous partage mon coup de cœur du moment. Félix Jane, Bonfire, côté sur Dance Floor. Le temps pour moi de vous souhaiter la bienvenue sur Fun les amis, j'espère que tout se passe bien pour vous. Jeudi déjà 25 août 2016, presque dernier jour de la semaine et puis avant dernière émission de Summer Fun, car oui, dès la semaine prochaine c'est la grande rentrée des classes à l'école, au bureau, mais aussi ici sur Fun Radio les amis. Alors on va tenter de profiter ensemble avec des jeux, des cadeaux, des infos et surtout plein de bonne humeur, du sourire et le meilleur du Sun Dance Floor jusqu'à 9h. Quoi de mieux pour bien démarrer la journée, je le répète souvent, que démarrer la journée évidemment avec le côté de, avec un petit tour du côté de l'éphéméride. C'est l'éphéméride sur Fun Radio. On va y arriver. Bon, il est 6h09, hein, il faut être tolérant. Nous sommes le jeudi 25 août 2016, 238e jour de l'année, 128e jour restant. Il reste 128 jours avant la fin de l'année et nous sommes déjà à la fin de la 34e semaine. Bonne fête à vous les amis. Si vous vous appelez Clovis, Lovic, Ludovic, Ludwig, Martien ou encore Martian, c'est bon anniversaire à vous également si vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui les amis. Et puis comment ça se passe si vous avez envie, eh bien, de venir fêter l'anniversaire d'un pote ici en direct à l'antenne? C'est très simple, hein. Vous m'envoyez un petit SMS dès maintenant au 3044 pour 50 centimes le SMS avec le code ANIF. Et moi, de juste derrière, je vous rappelle. Et on peut fêter ainsi l'anniversaire de votre pote en direct. Ça peut être plutôt sympa de faire ça à la radio le matin. En tout cas, il est 6h10. On démarre la journée ensemble avec le meilleur de son Dance Floor. Dans quelques petites secondes, c'est Martin Solveig et Jennifer Lopez qui arrivent. Juste avant, c'est Félix Jane sur Fun. Welcome. I can hear the whispers around me. It hurts if I let all the poison in. If I let them win. When your mouth make it rain, you're trying to put my fire out. You feel better now, yeah. Spill your hate, bring your wisdom, throw it right into my flame. But what you don't know, I am the bonfire. You make me stronger, you make me lighter. Shit, you throw. Close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up when you're mad. Bitches, let them drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from a fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Radio. Fun Radio. This year, everybody mad at the rocks that I wear. I know where I'm going and I know where I'm from. You hear locks in the air. Yeah, we at the airport out. D block from the block where everybody air forced out. With a new white tee, you fresh. Nothing phony with us. Make the money, get the mansion, bring the homies with us. J-Lo to this headline clips. I stay grounded as the amounts roll in. I'm real, I thought I told ya. I'm real, even on no bruh. That's just me. Nothing phony, don't hate on me. What you get is what you see. Don't be fooled by the rocks that I got. Et 6h16 sur Fun, j'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes de l'autre côté de la radio, où que vous soyez d'ailleurs les amis. Martin Solveig, Do It Right, c'est ce que je vous réserve dans un instant. Le temps pour moi de vous dire que je vous envoie vous relaxer toute la semaine prochaine avec vos soins et vos séjours au terme de Greenbergen. Ça sera à choper tous les matins entre 6h et 9h. Et les après-midi entre 17h et 20h, repartez avec vos soins pour deux et accès au terme avec massage. Votre séjour également cure printemps de luxe pour deux personnes avec chambre supérieure, petit déjeuner ainsi que massage compris. Le tout, ça se passe du côté des termes de Greenbergen. Alors pour tenter votre chance, vous envoyez le code beauté dès maintenant par SMS au 6322 pour 1€ le message. Bonne chance. Dans un instant, on fait un tour du côté de l'horoscope du jour. Que se passe-t-il au niveau de la... C'est ce qu'on saura juste après Martin Solveig et Do It Right sur Fun. 6h19 sur Fun, on démarre la journée, on termine la semaine ensemble. Avec donc quelques secondes, un de mes coups de cœur du moment, Amir, j'ai cherché, et c'est ce que je vous balance sur Fun. Bonne ou mauvaise nouvelle, comment va se passer votre journée? C'est l'Héroscope sur Fun Radio. Juste avant ça, on fait un tour du côté de l'Héroscope du jour. Que se passe-t-il au niveau de l'amour pour les béliers? Comme hier, ouvrez l'œil car il y a bien de l'amour dans l'air. Les taureaux, rien ne dit pour le moment que vous allez être viré, que ce soit par votre patron pardon, ou votre partenaire, mais faites quand même attention. Les gémeaux, personne ne saura vous déranger, vous serez trop dans vos rêves amoureux. Pour les cancers, ce mercredi est fait que vous vous plaignez au-dessus de la réalité, comme toujours. Les lions, alors, dans le domaine des sentiments, pensez à viser haut et à frapper fort, les lions. Les vierges, un milieu de semaine durant laquelle vous ne serez pas spécialement dans votre assiette. Les balances, faites jouer vos pistons, ils ne seront pas là pour décorer. Les scorpions, vivez intensément l'instant présent. Demain, ce sera peut-être même sûrement différent. Pour nos amis les sagittaires, vous fantasmez, vous idéalisez, vous embrassez et puis tout d'un coup, vous vous réveillez. Alors arrêtez de rêver et avancez. Les capricornes, le courant passe, voilà une bonne nouvelle du jour. Les verseaux, des erreurs, du changement vont se glisser dans votre discussion et votre désir. Et puis les poissons, il n'y a peut-être rien de palpitant côté cœur, mais pas de panique, vous avez tant d'amis que... vous allez pouvoir être de bonne humeur aujourd'hui. On parle aujourd'hui eh bien, des sextos et des messages un peu coquins qu'on peut s'envoyer étant jeune ou en étant célibataire. Est-ce dangereux? Y a-t-il un réel danger derrière ça? Quels sont les impacts de ce genre de messages? Et c'est notre sujet du jour, alors n'hésitez pas à réagir dès maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS ou encore bêtement via la page Facebook de l'émission sur la page Summer Fun. On en parle juste après Mo et Amir sur Fun. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur. Et si on passait la matinée ensemble en mode dance floor, les amis, je m'appelle Anto et on est ensemble jusqu'à 9h avec Summer Fun. Et en quelques petites secondes, je vous cale mon coup de cœur du moment. C'est la Danoise Mo qui arrive avec son titre Final Song. Ouais, ouais. Et je vous le cale juste après ça. À tout de suite. Maman, tu sais, chez Disneyland Paris, ils font les jours du oui. Ah oui? Alors, on se demandait si t'allais dire oui. Oui. T'es sûr? Oui, oui. Parce que parfois, tu dis oui et puis... Oui, oui. T'es sérieuse, là? Oui. Oui, youpi! C'est le moment de leur dire oui. Oui à Disneyland Paris. Réservé pendant les jours du oui, avant le 29 septembre, pour bénéficier de jusqu'à 30% de réduction sur votre séjour. Et en plus, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Réservé chez Jet Air Center, votre agent de voyage ou sur jetair.be. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Je viens liker ton dernier commentaire en direct parce que j'arrive plus à le faire avec mon vieux GSM. Mais tu viens quand même de loin. Oui, mais c'est pas grave. Je te laisse, je vais liker la photo de profil de Marie. Ne perdez plus une seconde pour liker.

Ne bougez pas non, quelques secondes, c'est Justin Timberlake et Soprano qui arrive sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Avant ça, il est 6h31, on s'informe ce jeudi 25 août 2016 avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Une commission du Parlement britannique accuse les géants de l'Internet, en particulier Google, Facebook et Twitter, de ne pas déployer suffisamment de moyens pour empêcher les cyber-djihadistes de mettre à profit leurs services. De l'avis des parlementaires, les forums de discussion aux réseaux sociaux sont la sève de Daesh et des autres groupes terroristes en matière de recrutement, de financement et de diffusion de leur idéologie. Le problème viendrait notamment du manque de moyens humains mis à disposition pour traquer les contenus litigieux avec ces entreprises qui ont des équipes de seulement quelques centaines d'employés pour surveiller des réseaux de milliards de comptes depuis la moitié 2015. Twitter a suspendu 360 000 comptes dans le cadre de sa lutte contre les publications faisant la promotion du terrorisme, un total très insuffisant selon la commission britannique. En Italie, après le tremblement de terre qui a secoué le pays il y a un peu plus de 24 heures, le dernier bilan est estimé à plus de 150 victimes et un peu plus de 350 blessés. La protection civile italienne n'a pas avancé de chiffres, mais des centaines de disparus pris au piège dans leurs maisons qui se sont écroulées alors qu'ils dormaient à point fermé sont toujours recherchés. La police italienne a également fait savoir qu'elle avait mis en place un dispositif pour éviter les chacals, un nom donné en Italie aux pilleurs de maisons vidées de leurs habitants après des catastrophes naturelles ou des évacuations forcées. Des camps de tentes ont été installés à proximité de ces villages pour accueillir quelques 2500 personnes qui sont désormais sans toit. Selon une enquête de l'hebdomadaire Paris Match, Ibrahim et Khalid El Bakraoui avaient initialement comme objectif de perpétrer un attentat en France, probablement lors de l'Euro de football et à l'aéroport de Schiphol. Bruxelles ne constituait pas leur cible prioritaire. Toujours selon l'hebdomadaire français, les frères El Bakraoui ont probablement visé le hall de départ de Bruxelles Airport et la station de métro Malbec, car ils ont été contraints d'agir dans l'urgence après la découverte de la planque située rue de Driss le 15 mars et la capture de Salah Abdeslam à Molenbeek le 18 mars. Le mouvement réformateur organisera quant à lui le 21 septembre une réunion publique afin de proposer la fin de l'obligation de vote. Le délégué général du MR est à l'origine de cette initiative. Selon Georges-Louis Boucher, l'obligation de vote actuellement en vigueur accorde un avantage au PS dans ses bastions liégeois et ennuyés. Le caractère obligatoire du vote pousserait aussi certains mandataires à la passivité, étant donné qu'ils sont certains d'être réélus. Le MR doit encore prendre définitivement parti pour réviser l'article 62 de la Constitution. Un petit mot de sport pour conclure, pour vous dire qu'Alison Van Edwang s'est qualifiée pour le deuxième tour des qualifications de l'US Open de tennis. Elle s'est débarrassée en 3-7 de la Russe Kudryavtseva. Elle affrontera au prochain tour la Tchèque Lucie Radeka, 174e joueuse mondiale. Elise Mertens, Anne-Sophie Mesdak et Isaline Bonaventure vont quant à elles disputer également le deuxième tour des qualifs à l'US Open, pardon. Chez les messieurs, Yannick Reuter et Yoris Delors sont déjà qualifiés pour le deuxième tour, contrairement à Arthur de Greff, à Ruben Bemelmans et à Kimmer Kopoyans qui sont malheureusement tous éliminés. Dans un instant, on sort Fun Radio, c'est Philippe George et Anton Powers qui arrivent. On sera un petit plaisir avec Soprano ou encore le beau et talentueux Justin Timberlake. Et juste avant ça, côté météo, que se passe-t-il dans le ciel aujourd'hui, Jean-François? Est-ce que le soleil sera comme hier au rendez-vous? Tout à fait, le temps va rester ensoleillé avec tout au plus quelques voiles d'altitude, mais les maxima seront compris entre 29 degrés en Haute-Fagne et à la mer et jusqu'à 34 degrés en Campine. Le temps estival va donc se poursuivre avec quelques risques d'orages locaux qui sont annoncés pour ce week-end. Le prochain rendez-vous de l'info, c'est à 7h et tout de suite, c'est le son Dance Floor sur Fun Radio avec Jonas Fun Radio. Fun. Le meilleur cocktail de l'été. Soleil, détente et son dance floor. Avec Summer Fun, tous les jours jusqu'à 9h sur Fun Radio. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change. Come on, come on, come on. Baby, we me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. Here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the land will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the land will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize. Et si on passait la journée ensemble sur Fun les amis? Soprano, le seul unique, arrive dans quelques petites secondes avec son titre Le diable ne s'habille plus en Prada sur Fun. Il n'a plus d'emprise sur le globe. D'ici là, aujourd'hui à 6h38, je propose de parler d'un sujet qui nous touche tous et toutes, vous pouvez pas dire le contraire. Ce sont les sextos et les messages coquins. On a déjà tous et toutes, mais envoyer un petit message coquin, un son à sa partenaire, on appelle ça le sexting. En fait, c'est le principe, eh bien, de pimenter un petit peu son couple ou simplement chercher un futur partenaire. Et c'est un moyen qu'on connaît évidemment tous parce que c'est tellement facile par SMS, via Facebook, sur Messenger, WhatsApp et autres applications. Sans oublier évidemment, depuis quelques années, Snapchat qui permet d'envoyer des messages et photos éphémères. Donc éphémères, c'est-à-dire que ça ne dure qu'une courte durée, entre 1 et 10 secondes. Mais évidemment, toutes ces applications, tous ces messages ont des dérives et ont des dangers. Par exemple, évidemment, sur Snapchat, qu'on puisse enregistrer la photo, qu'on puisse enregistrer le message, ou bêtement, qu'il y ait des fuites de votre photo et de vos messages, qui arrivent souvent aux stars d'ailleurs sur les réseaux sociaux, quand ils commencent un peu à sextinguer, si on peut appeler ça comme ça. Les jeunes, pareil, sur les réseaux sociaux, ce qui peut provoquer parfois des suicides ou encore des mal-être dans les écoles. Même si on en prend l'exemple, Snapchat, c'est pareil, c'est éphémère, ça peut durer maximum 10 secondes, mais on peut screener encore la photo et le message. Si je peux donner le conseil de Summer Fun ce matin, c'est évidemment de jamais faire apparaître son visage sur une photo coquine, parce que là au moins on est sûr qu'on ne nous reconnaît pas et qu'on n'a pas le souci. Allez les amis, dites-moi, on est entre nous ce matin, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'envoyer un petit message coquin ou un petit sexto à votre partenaire ou à un pote, pourquoi pas, vous avez envie de séduire? Dites-le moi par SMS maintenant au 3044, on en parle jusqu'à 9h, ou encore via la page Facebook de l'émission. Et c'est humain, hein, on va pas se cacher, donc aucun problème, on est entre nous, on en parle jusqu'à 9h, avec dans quelques secondes le duo Philippe George et Anton Peirce, ainsi que Soprano et Le Diable ne s'habille plus en Prada sur Fun. Avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille des plus généreux. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe. Depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe. Depuis qu'on lui a pris son job. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes vœux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux.

pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne, je préfère ne rien voir comme Amadou et Mariam. Je t'invite à manger un bon mafet chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français. Chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc. Je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi. Fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait. Il est presque 7h sur Fun. C'était le tout nouveau Black M qu'on vient de s'écouter à l'instant. Mais pas panique, le son dance floor continue avec dans quelques petites secondes Kungs et Tease Girl sur Fun. Le temps pour moi de vous rappeler les amis que je vous envoie vous détendre et vous relaxer au spa, au terme de Grimbergen. Franchement, c'est le cadeau indispensable à avoir et à choper avant le début de la rentrée. C'est la rentrée scolaire, le retour au boulot dans quelques jours. L'occasion pour nous bien de vous détendre et de vous permettre de vous relaxer avec des soins, des massages, d'accès au terme, avec même peut-être votre séjour cure printemps de luxe pour deux personnes. Et là, le paquet est complet. Hein. Chambre supérieure, petit déjeuner, massage, accès au terme. Tout ça, c'est rien que pour vous les amis et ça se passe du côté des termes de Grimbergen. Alors pour tenter votre chance, vous envoyez beauté dès maintenant par SMS au 6322 pour 1€ le message. Et moi je vous rappelle aux alentours de 9h15. Bonne chance. Fun. Fun Radio. 7h sur Fun Radio, on s'informe en ce jeudi 25 août 2016 avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Antoine, bonjour à tous. En Italie, après le tremblement de terre qui a secoué le pays il y a un peu plus de 24 heures, le bilan des victimes augmente malheureusement d'heure en heure avec un dernier chiffre de 247 victimes et un très grand nombre de blessés. Des centaines de disparus pris au piège dans leurs maisons qui se sont écroulées alors qu'ils dormaient à point fermé sont toujours recherchés et le bilan risque donc encore malheureusement de s'alourdir. La police italienne a quant à elle mis en place un dispositif pour éviter les chacals non donnés en Italie aux pilleurs de maisons vidées de leurs habitants après cette catastrophe naturelle ou contraints à des évacuations forcées. Des camps de tentes ont également été installés à proximité des villages touchés par le séisme pour accueillir quelques 2500 personnes désormais sans toit. La police judiciaire fédérale de Bruxelles-Capitale a interpellé une bande de trafiquants d'êtres humains originaires d'Inde, actifs sur l'autoroute E40. Au total, 5 personnes ont été placées sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. La bande aurait acheminé un grand nombre de personnes en situation illégale vers le Royaume-Uni ces derniers mois. Les victimes étaient d'abord logées à Bruxelles, puis emmenées sur des parkings de la E40 dans des camions en partance pour le Royaume-Uni. En échange du trajet, les personnes devaient fournir une importante somme d'argent aux trafiquants. La police judiciaire fédérale est intervenue mardi à différents endroits de Bruxelles après avoir été mise sur la piste de cette bande. 5 personnes ont donc été interpellées et placé sous mandat d'arrêt par la juge d'instruction. Dans 5 jours, ils comparaîtront devant la chambre du conseil de Bruxelles qui devra statuer sur une éventuelle prolongation de leur mandat d'arrêt. Selon une enquête de l'hebdomadaire Paris Match, Ibrahim et Khalid El Bakraoui avaient initialement comme objectif de perpétrer un attentat en France, probablement lors de l'Euro de football et à l'aéroport hollandais de Schiphol. Bruxelles ne constituait donc pas leur cible prioritaire. Toujours selon l'hebdo français, les frères El Bakraoui ont probablement visé le hall de départ de Bruxelles Airport et la station de métro Malbec, car ils ont été contraints d'agir dans l'urgence après la découverte de la planque située à la rue de Driss le 15 mars et la capture de Salah Abdeslam à Molenbeek le 18 mars. En football, 3 clubs belges jouent ce soir pour poursuivre leur route en Europa League. Ligue. Vainqueur 0-3 à l'aller, Anderlecht devrait assurer le coup face au Slavia de Prague ce soir à domicile. Là, ça annonce un peu plus compliqué pour Genk qui a partagé l'enjeu à l'aller au Lokomotiva. Mené 0-2, l'équipe croate avait réussi à arracher le match nul. Les Hambourgeois vont donc devoir rester sur leur garde. Pour la Gantoise, il faudra gérer le maigre avantage du match aller remporté sur le score de 2-1 au moment de se déplacer en Macédoine à Skendija. Et puis le club de Bruges, qui sera notre seul représentant en Ligue des Champions cette année, connaîtra le nom de ses adversaires ce soir. Manchester City a obtenu son ticket qualificatif hier soir, tout comme Copenhague et Rostov, le bourreau d'Anderlecht. Un Belge s'est mis en évidence hier soir. Thorgan Hazard a réalisé un triplé avec le club allemand de Mönchengladbach, qui fait aussi partie des équipes qui attendent le tirage au sort des poules qui a lieu ce soir à 18h à Monaco. Fun. Fun Radio. Avant de partir direction Monaco, c'est le son Dance Floor qui arrive sur Fun Radio avec Drake, Calvin Harris et ainsi que Unique et Mercy. Juste avant, côté météo, que se passe-t-il aujourd'hui, Jean-François? Est-ce que le temps pourra être comparé à celui de Monaco peut-être? Oui, tout à fait, mais en tout cas, le temps il va encore être meilleur qu'hier, puisque toujours beaucoup de soleil, puis des températures encore à la hausse, puisqu'on annonce 29 degrés en Haute-Fagne et à la côte, et puis jusqu'à 34 degrés en Campine. Il va donc falloir penser à se mettre à l'ombre et à s'hydrater. Oui, parce que déjà hier, il faisait très très chaud, plus de 34 degrés, et même hier, je suis sorti pour. Je peux pas gérer, je vous en parlerai tout à l'heure, à plus de minuit et demi, il faisait encore 27,5 degrés, c'était exceptionnel. Ce matin, en venant dans la voiture, juste avant 6h, il y avait déjà 20 degrés, donc c'est vrai qu'il va faire très chaud aujourd'hui, et c'est parti encore pour quelques jours, donc profitons-en. Prochain rendez-vous de l'info à 7h30, et tout de suite le son Dance Floor sur Fun Radio avec Kungs. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Tous les matins, c'est Summer Fun. Avec Anto sur Fun Radio. Et il est 7h07, soyez les bienvenus sur Fun Radio les amis. Unique et Mercy, l'artiste pop belge qui cartonne, c'est ce que je vous cale dans quelques petites secondes. Le temps pour moi de vous souhaiter la bienvenue où que vous soyez en Belgique, Bruxelles, Arlon, Namur, Liège, Sydney ou encore Banche. Vous êtes sur Fun Radio et vous écoutez Summer Fun en direct jusqu'à 9h. Je m'appelle Anto et j'ai pour vous la petite éphéméride du jour. On commence avec ça évidemment pour être pour avoir les quelques petites infos du jour. Nous sommes le jeudi 25 août 2016, 238e jour de l'année déjà et 34e semaine que nous terminons ensemble. Bonne fête à vous les amis. Si vous vous appelez Clovis, Loïc, Ludovic, Martien ou encore Martien, oui ça existe. Et puis les stars sont nées également ce jeudi 25 août. On pense évidemment à Evangeli, Claudia Schiffer, Xavier Niel, Tim Burton ou encore bien Christophe Colomb, mais qui malheureusement n'est plus avec nous pour l'instant. Christophe Colomb, mais il aurait pu fêter effectivement son anniversaire aujourd'hui. Dans quelques secondes, c'est le Club Buzz du jour. On parlera également de l'anniversaire du jour. Vous avez envie de souhaiter l'anniversaire d'un pote ici à l'antenne, de venir en direct à mes côtés pour bien le souhaiter. Ça se passe par SMS au 3044 en envoyant le code ANIV. Et puis moi, je vous rappelle juste après. Unique, Mercy, c'est ce qui arrive dans un instant. On aura également Cashmere et Drake. Mais juste avant, on se fait plaisir avec Unique sur Fun Radio à 7h08. Montez le son, bienvenue. Oh Lord have mercy, mercy, mercy. Money them in a party, party, party. All of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy and me wanty, wanty, wanty. Only he can make me ayah, ayah, ayah, ayah, ayah. Fire, bang, bang dans le cœur des hommes. J'aime quand tu lis entre mais que tu m'imagines. Et je slalome entre toutes tes belles paroles. Je les ai mis tout sur le bas-côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. Money, them in a party, party, party. Sexy, sexy, watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me wanty, wanty, wanty. Only he can make me ayah, ayah, ayah, ayah. Fire, sur tous ces beaux parles-là. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles. Ce qui te cache tous mes talons aiguilles. Et je m'envole, non, personne ne m'impressionne. Même si ton regard me déshabille, même si tu sais viser dans le milieu. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh. Mets de côté ton écho. Essaie de voir sous ma peau. Cette fois, je t'emmènerai dans mon monde. Dans ma lumière, dans ton monde. Si tu sais marcher dans mes pas. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. Money, them in a party, party, party. The other them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. L'été, c'est sur Fun Radio que ça se passe. Le son dance floor. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. Ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. something. Yeah. Bon réveil. Ah, c'est un son qui sent bon les vacances, hein. Drake, One Dance, c'est ce qui arrive dans quelques petites secondes. Le temps de se relaxer, se détendre ensemble, parce que je vous envoie vous détendre justement avec vos soins et vos séjours au terme de Grünbergen. Franchement, c'est le truc à faire, le truc à tester ici juste avant la rentrée scolaire, parce que dans quelques jours déjà, c'est le retour sur les bancs d'école, c'est le retour au boulot. Et donc nous, on s'est dit avec Audrey, puisqu'Audrey vous l'offre également tous les après-midi entre 17h et 20h, eh bien, si on aidait nos auditeurs à se détendre et à bien démarrer la saison, à bien démarrer l'année. Et donc pour cela, on vous offre vos soins pour deux personnes avec les accès au terme, ainsi qu'un petit massage du corps et même peut-être votre séjour Cure Printemps Deluxe pour deux personnes avec le pack complet, hein, chambre supérieure, petit déjeuner, massage, le tout à découvrir du côté des thermes de Grünbergen. Alors pour tenter votre chance et partir vous détendre là-bas, c'est très simple. Vous envoyez beauté par SMS au 6322 pour 1€ le message et un petit tirage au sort. Et puis j'appelle là en l'une d'entre vous tout à l'heure aux alentours de 9h15. Bonne chance. Dans quelques instants, on joue au Battle Fun Express, du cadeau à remporter. Je vous offre également des places pour partir visiter le parc Nausicaa. Je vous explique tout ça juste après Drake et One Dance Surfing. Bon réveil, il est 7h15 et vous écoutez Fun Radio. Lips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Et si on se réveillait, on démarrait la journée ensemble, les amis. Soyez les bienvenus sur Fun Radio, 7h18. Dans un instant, c'est Cashmere et Wildcard que je vous cale sur Fun Radio.

ton cœur, dan dan dan dan dan. Allez, dan dan dan dan dan, donne-moi ton cœur, dan dan dan dan dan. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner là-bas. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première. Secteur 29 sur Fun Radio, merci d'être avec nous. Alex Jeremy, Sweet Afterglow, c'est ce que je vous cale dans quelques petites secondes. Le temps pour nous de réécouter le Battle Fun Express du jour. Le principe est très simple, les amis. Je vous passe un extrait qui est un petit peu modifié. Votre mission, le principe du jeu, eh bien, c'est de retrouver le nom de l'artiste ou encore le titre de l'extrait qui est modifié. À gagner aujourd'hui des entrées pour aller visiter le parc Nausicaa, le parc bien de découverte maritime sur Boulogne-sur-Mer. Écoutez. Vous l'avez reconnu, je suis sûr. Écoutez, encore une fois, c'est le beau gosse qui cartonne pour le moment. Allez, vous avez la bonne réponse. Vous l'envoyez dès maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Bonne chance. Il est 7h30 sur Fun Radio. Comme toutes les demi-heures, on s'informe avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Antoine, bonjour à tous. En Italie, après le tremblement de terre qui a secoué le pays il y a un peu plus de 24 heures, le bilan des victimes augmente d'heure en heure avec un dernier chiffre de 247 victimes et un très grand nombre de blessés. Des centaines de disparus pris au piège dans leurs maisons qui se sont écroulées alors qu'ils dormaient à point fermé sont toujours recherchés et le bilan risque donc encore malheureusement de s'alourdir. La police italienne a mis en place un dispositif pour éviter les chacals, non donné en Italie aux pilleurs de maisons vidées de leurs habitants après cette catastrophe naturelle ou contraint des évacuations forcées. Des camps de tentes ont également été installés à proximité des villages touchés par le séisme pour accueillir quelques 2500 personnes qui sont désormais sans toit. Une commission du Parlement britannique accuse les géants de l'Internet, en particulier Google, Facebook et Twitter, de ne pas déployer suffisamment de moyens pour empêcher les cyber-djihadistes de mettre fin au profit de leurs services. De l'avis des parlementaires, les forums de discussion et réseaux sociaux sont la sève de Daesh et des autres groupes terroristes en matière de recrutement, de financement et de diffusion de leur idéologie. Le problème viendrait notamment du manque de moyens humains mis à disposition pour traquer les contenus litigieux avec ces entreprises qui ont des équipes de seulement quelques centaines d'employés pour surveiller des réseaux de milliards de comptes. Depuis la moitié 2015, Twitter a suspendu 360 000 comptes dans le cadre de sa lutte contre les publications faisant la promotion du terrorisme, un total toujours insuffisant selon la commission britannique. Chez nous, le mouvement réformateur organisera le 21 septembre une réunion publique afin de proposer la fin de l'obligation de vote. Le délégué général du MR est à l'origine de cette initiative. Selon Georges-Louis Boucher, l'obligation de vote actuellement en vigueur accorde un avantage au Parti Socialiste dans ses bastions liégeois et ennuyés. Le caractère obligatoire du vote pousserait aussi certains mandataires à la passivité, étant donné qu'ils sont certains d'être réélus. Le MR doit encore prendre définitivement parti pour réviser cet article 62 de la Constitution. Un mot de sport et de football pour conclure, pour vous dire que trois clubs belges jouent ce soir pour poursuivre leur route vers l'Europa League. Vainqueur 0-3 à l'aller, Anderlecht devrait assurer le coup face au Slavia de Prague à domicile. Ça s'annonce un peu plus compliqué pour Genk qui a partagé l'enjeu à l'aller au Lokomotiva. Mené 0-2, l'équipe croate avait réussi à arracher le nul et les Limbourgeois vont donc devoir rester sur leur garde. Pour la Gantoise, il faudra gérer le maigre avantage du match aller remporté sur le score de 2-1 au moment de se déplacer en Macédoine à Skendija. Et puis le club de Bruges, qui sera notre seul représentant en Ligue des Champions cette année, connaîtra le nom de ses adversaires. Ce soir, Manchester City a obtenu son ticket qualificatif hier, tout comme Copenhague et Rostov, le bourreau d'Anderlecht. Un Belge s'est également mis en évidence hier soir. Thorgan Hazard a réalisé un triplé avec le club allemand de Mönchengladbach qui fera ses débuts et ses parties également des équipes qui attendent avec grande impatience le tirage qui est prévu ce soir à 18h à Monaco. Fun, Fun Radio. Dans un instant, sur Fun Radio, c'est le titre de l'été. Imani et Don't Be So Shy que je vous cale. On sera un petit plaisir avec le DJ britannique Sigala et Give Me Your Love. Allez, Britney Spears. Bon, allez, ça me fait plaisir. Je vous le mets dans la suite avec Toxic. Et juste avant, côté météo, que se passe-t-il, Jean-François, dans le ciel aujourd'hui? Le temps va rester ensoleillé avec tout au plus quelques voiles d'altitude. Les maximums de température sont compris entre 29 degrés du côté des Hautes-Fagnes de la côte et 34 degrés en campine. Le temps estival va se poursuivre avec juste quelques risques d'orages locaux pour ce week-end. Le prochain rendez-vous de l'info, c'est à 8h. Et tout de suite, c'est le Sound and Solar. Fun Radio avec Alex Jermis. Fun. Fun Radio. Summer Fun. Sometimes it's hard just trying to hold on. Sometimes all that you want is to go home. Sometimes you know you're stuck in the trap ball. by myself, I can find a way to hide all the dreams I feel so far. Hey, I know I'm taking up on myself, I can find a way to hide all the dreams I feel so far. Fun Radio. Fun Radio. Do I hang on down, losing my hands and spinning down? Et on démarre la journée du bon pied dans la bonne humeur, les amis, avec grâce à Fun Radio, avec dans quelques secondes le DJ britannique Sigala, Give Me Your Love. C'est ce que je vous cale à 7h40 ce matin. Et on a Priscilla qui m'a envoyé un petit SMS au 3044 parce qu'elle voulait souhaiter en direct un bon anniversaire à sa fille Léa. On va essayer d'appeler Léa qui fête ses 7 ans aujourd'hui. Et on va composer son numéro en direct parce que Léa ne sait pas évidemment eh bien, qu'on l'appelle ce matin. C'est une des grandes fans de Fun Radio, Léa, justement. Léa, salut. Salut. Comment ça va bien ce matin? Ça va bien. Léa, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je me joins à toute l'équipe de Fun Radio pour te souhaiter un bon anniversaire, ma Léa. 7 ans, ça se fête, c'est super mignon. En plus, c'est ta maman qui est d'ailleurs, je pense, pas très loin de toi, qui voulait te souhaiter un bon anniversaire aujourd'hui. Parce que 7 ans, ça se fête et tu es en plus une grande fan de Fun, ma chérie. Qu'est-ce que tu as prévu de faire? Qu'est-ce que tu as demandé comme cadeau pour ton anniversaire aujourd'hui? Oh, il y a une surprise. C'est quoi la surprise? Je sais pas. C'est ta maman qui va te faire une surprise? Oui, on va aller dans un truc où il y a de l'eau. Oh, c'est mignon. Bon, en tout cas, ma chérie, je te fais des gros bisous. Bon anniversaire à toi. Et puis des bisous à ta maman Priscilla, évidemment, qui nous avait envoyé ce petit SMS. Vous aussi, vous avez envie de souhaiter l'anniversaire d'un proche à l'antenne, les amis? Comment ça se passe? C'est très simple. Vous envoyez Anif dès maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes. Le SMS, je vous rappelle, juste après. Imani, Don't Be So Shy, c'est ce qui arrive dans un instant. Juste avant, c'est Sigala, Give Me Your Love, sur Fun. Bienvenue. I may be selfish, but I'll take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah, oh yeah. Merci d'être sur Fun Radio, les amis, en tout cas avec nous ce matin. Vous écoutez Summer Fun, et dans quelques secondes, c'est Imani et Don't Be So Shy. Le temps pour nous de rappeler le Battle Fun de jour. Le principe très simple, un extrait qui est modifié, que vous allez devoir retrouver le nom de l'artiste ou encore le titre évidemment de cet extrait. Écoutez, c'est le Battle Fun de jour. Allez, c'était facile. On a Dimitri qui est avec nous par téléphone. Il a 19 ans et il habite du côté de Roubaix. Salut Dimitri. Salut Anto. Comment ça va bien ce matin? Eh ben ça va, mais ça va plutôt pas mal. Bah écoute, avec le temps qu'on va avoir aujourd'hui, je pense que la journée ne peut être que parfaite. Hein. Plus 30 degrés comme hier, nous a annoncé notre ami Jeff tout à l'heure. Et puis moi j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon Geoffrey. Tu vas pouvoir repartir avec tes places pour Nausicaa parce que tu as retrouvé la bonne réponse. Qui est le Battle Fun de jour? Tu nous as envoyé un petit Justin Timberlake et je peux te le dire, c'est la bonne réponse. Bravo! Ah super, ouais, Justin Timberlake en mode Chipmunks. Voilà, c'est ça, qui a été modifié par notre ami Étienne. Je t'envoie tes deux places pour aller découvrir le parc Découverte Maritime Nausicaa du côté de Boulogne-sur-Mer. Et je t'envoie tout ça à la maison, je te fais des bisous, à très bientôt.

Salut à tous, c'est Bob Sinclair, vous êtes sur Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. Il est presque 8h sur Fun les amis. Dans quelques secondes, c'est le duo Willy William et Chris Cab Paris qui arrive sur Fun Radio. Juste avant, je vous parle ciné, car oui, c'est le thème de l'émission aujourd'hui. Et à l'occasion, je vous offre des places pour aller mater et découvrir le tout nouveau film Le Correspondant. Et il est franchement, et franchement les amis, je l'ai vu et il déchire. Avec le grand talent de Jimmy Labeu qu'on retrouve à l'intérieur, Sylvie Testu ainsi que Charles Berling. Jimmy d'ailleurs qui sera en interview avec nous entre 8h et 9h, alors ne bougez pas, il arrive dans quelques instants. Avant ça, pour tenter de choper vos places de ciné pour aller voir Le Correspondant, très simple, vous envoyez le code CINÉ, C-I-N-E, dès maintenant par SMS au 6322 pour 1€ le message. Et j'appelle là en l'une d'entre vous pour, eh bien, remporter ses places tout à l'heure. Bonne chance. Fun Radio. Il est presque 8h sur Fun Radio. Debout tout le monde, on s'informe en ce jeudi 25 août 2016 avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Anto, bonjour à tous. La police judiciaire fédérale de Bruxelles capitale a interpellé une bande de trafiquants d'êtres humains originaires d'Inde actifs sur l'autoroute E40. Au total, 5 personnes ont été placées sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. La bande aurait acheminé un grand nombre de personnes en situation illégale vers le Royaume-Uni ces derniers mois. Les victimes étaient d'abord logées à Bruxelles, puis emmenées sur des parkings de la E40 ou dans des camions en partance pour le Royaume-Uni. En échange du trajet, les personnes devaient fournir une importante somme d'argent aux trafiquants. La police judiciaire fédérale de Bruxelles est intervenue mardi à différents endroits de Bruxelles après avoir été mise sur la piste de cette bande. 5 personnes ont donc été interpellées, placées sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. Dans 5 jours, ils comparaîtront devant la chambre du conseil de Bruxelles qui devra statuer sur une éventuelle prolongation du mandat d'arrêt. En Italie, après le tremblement de terre qui a secoué le pays il y a un peu plus de 24 heures, le bilan des victimes augmente d'heure en heure avec un dernier chiffre de 247 morts et un très grand nombre de blessés. Des centaines de disparus pris au piège dans leurs maisons qui se sont écroulées alors qu'ils dormaient à point fermé sont toujours recherchés et le bilan de la catastrophe ne cesse d'augmenter. On continue avec alors qu'il y a un petit problème d'ordinateur, c'est vraiment l'incident en direct. Voilà, ça y est, c'est reparti. Désolé, hein, ça vraiment, arrive sur les élèves du direct. L'écran s'est complètement coupé. Ça m'est jamais arrivé, mais voilà. Il fallait que ça arrive au moins une fois pendant l'été. Effectivement, on continue. Selon une enquête de l'hebdomadaire Paris Match, Ibrahim et Khalid El Bakraoui avaient initialement comme objectif de perpétrer un attentat en France, probablement lors de l'Euro de football et à l'aéroport de Schiphol. Bruxelles ne constituait pas leur cible prioritaire. Toujours selon l'hebdomadaire français, les frères El Bakraoui ont probablement visé le hall des

Merci en tout cas de vous réveiller avec Fun Radio les amis. Je vous le disais, on parle de cinéma ce matin parce qu'on va recevoir 10 000 abeux ici entre 8h et 9h pour nous parler évidemment et bien de son film Le Correspondant qui vient de sortir. J'ai d'ailleurs des places à vous filer pour aller voir Le Correspondant. Alors vous avez envie de tenter votre chance, vous envoyez le code ciné par SMS dès maintenant au 6322 pour 1€ le message. Je vous souhaite d'ores et déjà bonne chance et j'appelle là en l'une d'entre vous tout à l'heure. 10 000 abeux est avec nous ce matin pour parler et bien de son film Le Correspondant. Salut Samy. Salut Jimmy. Salut. Comment ça va? Bien. Bah écoute, ça va très très bien, et toi? Bah écoute, très très bien. J'ai une première question qui est la plus bête au monde, mais tout le monde se pose cette question. C'est qui Jimmy Labeu en fait? Jimmy Labeu, c'est moi déjà, et c'est un grand fou. C'est une grande folle, je dirais. Un taré qui crie tout le temps. Ouais, un taré tout simplement, je pense. Un taré, vraiment. Qui t'a inspiré à faire ce personnage en fait? C'est pas vraiment une inspiration, c'est juste que je suis quelqu'un d'hyperactif. Et de comme ça tout le temps comme ça, donc je suis obligé tout le temps m'exciter. Tout le temps de bouger. Voilà, tout le temps de bouger. Là, on me force à pas bouger parce que, alors, apparemment, les caméras, il faut que ça reste bien stable pour que je fasse ça. Donc je peux pas bouger, mais j'ai quelqu'un d'hyperactif, donc j'aime bien tout ce qui va vite et tout. Je suis pas très patient et tout ça, donc c'est ce qui m'a aidé dans les vidéos, à évoluer le truc. Tu es patient parce que t'as commencé à 12-13 ans, à 17 ans un peu plus professionnellement, et puis là maintenant à 20 ans, explosion. Exactement. À 12-13 ans, c'est ça. Et comment s'est passée l'évolution pour toi dans ta tête? Quand t'as commencé, tu te disais à 12-13 ans, à 20 ans, il faut que ça commence? Tu te voyais Non, j'avais... C'est qu'à 12-13 ans, je faisais des petites vidéos de merde, on peut le dire, sur YouTube, que j'ai supprimées d'ailleurs, ils sont plus là. J'ai des vieux podcasts de je ne sais quoi. Là, j'avais pas d'idée en tête, je voulais juste imiter des gens qui faisaient des vidéos. Et puis j'ai commencé, je pense, à 17-18 ans, ces fameuses vidéos qui m'ont fait connaître, on va dire, et là... Là, ça a explosé, donc j'ai dit putain, je ferais bien quelque chose de tout ça quoi. Ta famille, elle a vécu comment cette montée de succès? Bien, franchement, ils sont hyper contents parce que j'ai toujours été nul à l'école. J'y allais tout le temps, je sais jamais, mais j'étais totalement nul. Mais ils étaient très contents, au niveau, que ce soit cinéma, les vidéos, quand on me reconnaît dans la rue, qu'ils sont avec moi, ils sont hyper contents, donc c'est vraiment. Donc c'est un message d'espoir que tu peux donner à tous les auditeurs de Fun qui nous écoutent aujourd'hui. Bien sûr. Sans spécialement réussir à l'école, on peut réussir ça. Évidemment. J'ai arrêté très vite l'école et j'ai très bien compris que c'était pas fait pour moi, donc j'ai fait ce qu'il faut faire, ce qui te plaît, voilà, et fonce là-dedans, et si t'aimes vraiment ça, fais-le, et jusqu'à ça va bien marcher un moment, comme moi j'ai, enfin après j'ai de la chance aussi, faut un brin de chance, évidemment, je suis tombé au bon moment, bon endroit sûrement, mais si t'y crois à fond, tu peux réussir. Faut croire en ses rêves. Exactement, je pense, c'est souvent ce que tout le monde dit, croire en ses rêves, faut tout le temps aller au fond de ses rêves, machin, c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. On a la preuve, ça. Voilà, c'est ça, ça marche. On continue à parler avec toi Jimmy de tout ça dans quelques instants. Juste avant, c'est Mom et Aloha que joue Cal sur Fun Radio. Et puis on se fait un petit plaisir avec Eva Simons à 808 sur Fun. Montez le son, bienvenue. Oh Lord have mercy on me, I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine if I let my feelings out. For real I had a good time, just had enough of your mind. Can I really let you go? Qu'est-ce que c'est bon de se réveiller ensemble les amis sur Fun Radio dans quelques secondes. Ça sent bon les vacances avec Mom et Aloha sur Fun Radio. Les doigts de pied en éventail sur le sable, imaginez-vous. Et puis on est avec Jimmy Labeu ce matin en studio. On va apprendre à le connaître et à le découvrir. Alors Jimmy, on voit souvent dans tes vidéos que tu es hyper actif. Tu cries, tu sautes, tu insultes les gens carrément. C'est le vrai Jimmy ça ou c'est un personnage? C'est 50-50 je pense, parce que si j'étais tout le temps comme je suis dans mes vidéos, je pense que j'aurais fait un arrêt cardiaque il y a pas longtemps. Mais non, il y a de moi dedans, mais pas, c'est exagéré quoi. Mes vidéos c'est moi mais en fois 1000 quoi. Peut-être fois 100, allez, parce que je suis quand même assez voilà, assez, voilà, mais non, c'est moi tout en étant pas moi. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais... C'est à moitié toi. Voilà, c'est à moitié moi. C'est l'excitation, mais version, comme je dis, façon. Mais ouais, c'est bien moi, c'est, je suis bien... Je peux être très calme, parce que là, dans mes vidéos, je suis tout le temps à un niveau... Très calme, très... une seconde. Voilà, c'est ça. Mais dans la vraie vie, je peux être très calme pendant une journée, ne rien dire, très calme. Voilà, comme maintenant. Voilà, ça peut très bien, je peux être très calme aussi. Mais... C'est difficile, justement, de mélanger vie privée, vie professionnelle, quand on est autant exposé sur les réseaux sociaux, parce que ta marque de fabrique, c'est les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, mais non, ça va. Franchement, j'ai pas... À part les gens, quand ils me croisent dans la rue, ils font « Ah, mais en fait, c'est normal. T'es calme, tu cries pas. » Ben non, c'est pas crier tout le temps. Ce serait lourd, déjà, parce que si j'étais comme dans la vie, comme j'étais dans la vidéo, ce serait un peu chiant, là. Mais c'est bien de faire un personnage. Je trouve ça bien d'avoir un personnage et pas jouer ce que tu es. Enfin, ça peut être chouette aussi, mais je pense que jouer un personnage, c'est encore mieux. Parce que tu joues... Justement, aller plus loin. Dans le voilà, c'est ça. Tu peux aller plus loin, tu peux développer la chose, alors que si je jouais ma vie à moi, si je faisais en somme, je sais pas moi, des vlogs ou des machins comme ça, ce serait moi, ce serait ma vie, ça me fait pas trop kiffer. Je préfère jouer un personnage, jouer un plombier, jouer un joueur de foot, jouer un, je sais pas, une prostituée, jouer n'importe quoi, tu vois, ouais, vraiment jouer quelque chose d'autre que moi, ça j'adore. Après le web, justement, tu passes au 7e art, tu as fait tes premiers pas au cinéma ici il y a quelques jours. Comment t'es arrivé à lire ce scénario en fait et à te retrouver dans ce casting? Bah écoute, en fait, c'est un des premiers scénarios que je recevais. Et c'est mon agent qui m'a envoyé ça. Et elle me fait « Ouais, tiens, j'ai reçu un scénario pour toi. » J'ai dit « Bah écoute, je vais le lire, on sait jamais. » Et je pensais que c'était un petit rôle. Moi, je vois Malo. Et elle me dit « Ouais, c'est pour le rôle de Malo. » Je dis « Bah, à mon avis, là, c'est un petit gosse, un petit con qui joue dans la classe ou quoi, que j'ai deux, trois phrases. » Et puis, je lis le scénario. Je dis « Putain, mais Malo, il revient souvent dans le truc. » Et puis, elle me dit « Ouais, en fait, c'est le premier rôle. » Je dis « Ah, premier rôle. » Au début, j'ai dit non. Ah, t'as dit non? Oui, j'ai dit non. Enfin, j'avais peur. J'ai dit, écoute, j'ai dit à Daphné, enfin, Daphné, c'est mon agent, je lui ai dit, écoute, passer d'une vidéo de 7 secondes Vine à un premier rôle dans un film, c'était malade, toi, c'est ouf, c'était tellement ouf pour moi que j'ai pas. Braqué direct. Voilà. Enfin, pas braqué, mais j'ai pas osé dire oui ni dire non. J'ai dit non en mode, j'ai pas trop envie, ça me fait peur. Et puis, on m'a dit, t'es malade ou quoi, c'est un premier rôle dans un film? Puis, c'est un de mes rêves de jouer. Enfin, c'était un de mes rêves, vu que maintenant c'est réalisé, voilà. Mais. Et finalement, j'ai dit oui. Après, elle n'a pas pris longtemps pour me convaincre. J'ai dit oui, et là, ben voilà, parti. On parle ciné aujourd'hui dans l'émission, les amis. D'ailleurs, à cette occasion, je vous offre des places pour aller découvrir Le Correspondant au cinéma, si ça vous tente. D'aller découvrir ce film franchement sympathique. Vous envoyez ciné, C-I-N-E, par SMS au 6322 pour 1€ le message. Et je vous rappelle juste après. Bonne chance. Sprite. Du pur rafraîchissement, et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. La DH présente en exclusivité la Maison de Mickey. Une collection de livres richement illustrés pour découvrir les chiffres, les lettres et de nombreuses activités pour apprendre en s'amusant. Avec à chaque numéro un DVD de 2 épisodes. Grâce à la DH, apprendre devient un jeu d'enfant avec Mickey et ses amis. Le numéro 1, 1,99€ seulement, en vente en librairie. Fun Radio. Fun Radio. Le soleil, la plage et Fun Radio. En mode summer. Since I've had his groove, cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. Somehow. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. You're all you have to give. The unknown. The unknown. feel a little younger, and you begin to wonder, what is it you want to love? What is it you want to love? What is it you want to love? Suddenly it's all real, suddenly it's all you feel. You're free now, somehow. Suddenly it's all real, suddenly it's all you feel. You're free now, you're all you have to give. The unknown. Left to do but to feel it all. You're alive now, to die is dust. Nothing less or something more. Something more. Qui sont bons l'été, ça. Merci d'être avec nous sur Fun Radio 8h18. Et Clean Bandit, c'est ce que je vous réserve dans quelques petites secondes côté son dance floor. Et puis Jimmy Labue est toujours en studio avec nous pour parler de son film Le Correspondant. Jimmy, tu restes bien là. Juste avant, on parle des bons plans de l'été, car comme tous les jeudis, Samy est avec nous pour nous faire part des bons plans d'été. Aujourd'hui, pour ta dernière, mon Samy, tu nous parles des bonnes résolutions. Ouais, c'est vrai que ça fait un mois que je commence mes chroniques par c'est bientôt la rentrée. Et là, c'est la dernière fois que je peux vous le dire, donc bah, c'est bientôt la rentrée. Ah, dans 7 jours. Et oui. 7 jours même. Et justement, j'ai fait une liste de résolutions avec un pote qu'on va essayer de tenir, et j'ai décidé de les partager avec vous. Un peu comme les bonnes résolutions de début d'année. Exactement. Mais là, c'est pour l'année scolaire, puisque l'année va bientôt recommencer. Ah, ce qu'on fait de plus quand on est en cours, quand on est à l'école, c'est les sorties. Exactement. Donc la première résolution, c'est je limite mes sorties. Bon, je comprends très bien, il y a beaucoup de raisons de vouloir sans cesse découvrir de nouveaux bars. Je ne vous en veux pas. Mais les cours vont bientôt recommencer, donc c'est peut-être le moment de lever le pied. Vous allez voir. C'est surtout d'un point de vue culturel. On visite les bars pour découvrir, ouais, voilà, l'horizon, pas du tout, et découvrir pour la ville. Voilà, exactement. Alors vous allez voir, ne pas sortir, ça vous avantage de ouf. Vous à dépenserez fond. Moins d'argent, vous dormirez mieux et vous aurez plus de temps pour assimiler vos cours. Mais c'est moins drôle, non? C'est ce que tu dis à tes parents, ça. Ouais, ça c'est ce que je dis à mes parents. Tu vas pas non, mais ça. C'est des résolutions. Il faut aussi que j'essaie de les faire moi. Hein, ça, il faut voilà. Essayer de vendre du rêve. Voilà, exactement. C'est ça. C'est une résolution que beaucoup d'étudiants devraient prendre, surtout nous ici en tant que jeunes, Samy. C'est peut-être au niveau de l'organisation. Est-ce que toi tu es organisé? Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est la deuxième résolution. Je m'organise. Moi, je me souviens encore il y a quelques années, ma mère me mettait des post-it sur la table pour pas oublier mes collations. Hein, mon père surlignait en rose les échéances à respecter dans mon journal de classe. Mais ça, c'était avant. Donc, ne faites pas les flemmards. Mettez des rappels sur votre ordi ou votre téléphone et tenez un agenda. Vous vous sentirez beaucoup plus adulte. Et au moins, on n'oublie pas les choses, simplement. Exactement. Est-ce qu'on peut faire aussi, c'est un truc que toi tu connais bien, ça. On va devoir le dénoncer, je suis désolé. Et sécher les cours. Mais écoute, je faisais ça l'année passée et j'ai raté mon année. On a bien vu ce que ça donne ici en septembre. Voilà, donc voilà. Je crois qu'on peut dire celui-là, c'est vraiment le plus dur à respecter, surtout quand il fait moche et froid et que t'habites pas à côté de l'école. Tu voudrais bien dormir 2 heures de plus et t'as personne qui t'en voudra, surtout puisque les présents sont pas obligatoires. Finalement, les secondaires, ça me manque. Combien de fois par semaine alors tu séchais comme ça? Il y a des semaines parfois entières où j'avais pas en cours. C'est honteux, honteux, Samy. Quel mauvais exemple. Parce que surtout, l'exemple que tu pourrais prendre. Ah oui, je sais pourquoi tu séchais. Parce qu'en fait, tu étudiais chez toi. Non, même pas. Même moi, pas. Je faisais des grasses matinées et je regardais honteux, Netflix. Honteux. Bon, aussi dur à tenir, celui-là, c'est « Je révise au fur et à mesure ». Ne pas tomber dans le piège du calendrier où on se dit pendant des semaines qu'on a full temps pour étudier, jusqu'à ce que, sans compter prévenu, c'est déjà la veille de l'examen, était dans le caca. Ça, ça arrive à tout le monde. Moi, perso, j'adore étudier la veille parce que le stress positif que ça procure, l'excitation. Ouais, c'est vrai, c'est un challenge en fait d'étudier la veille. C'est vrai, t'as raison. Ici, on a eu les bonnes résolutions pour ne pas sécher, pour étudier, pour ne pas sortir, mais finalement, des bonnes résolutions en tant qu'étudiant, il y en a des dizaines. C'est vrai, et parmi les autres, on peut trouver je me couche plus tôt. Non. Je mange mieux. Là, c'est mieux. J'arrête de fumer, hein, pour ceux qui fument. Je fais le ménage plus souvent et je fais du sport. Le sport, d'ailleurs, qui peut aider à mieux étudier après parce qu'on se sent mieux dans son corps. Ouais, c'est vrai. Et comme on dirait en latin, un esprit sain dans un corps sain. Je sais plus la formule latine, mais ce n'est pas grave. Ben, n'hésitez pas, vous avez vous la formule latine, ça se passe par SMS 3044. Voilà, maintenant que je vous ai bien déprimé et que c'est ma dernière chronique dans Summer Fun, je vous souhaite une excellente rentrée et puis merci à Anto et à toute l'équipe pour l'accueil dans cette matinale. C'est vrai que c'était que du fun. Un petit clin d'œil à David, évidemment, que vous allez pouvoir retrouver tous les week-ends entre 7h et 10h sur Fun. Merci beaucoup, Samy. On te retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, cette chronique bon plan, résolution de rentrée, t'as retrouvé dès maintenant sur la page Facebook de Summer Fun. Et puis, je rappelle que si vous avez envie de venir faire vous de la radio avec nous demain matin, les amis, entre 8h et 9h pour la dernière, c'est possible. Vous inscrivez via la page Facebook Summer Fun ou encore m'envoyez un petit mail à antoine@funradio.be. Vous verrez les coulisses de la radio, vous partagerez l'émission à nos côtés. Et puis surtout, vous repartirez avec votre petit déjeuner offert par notre partenaire, la boulangerie L'Artisan de Forêt. Tout ça et bien plus. Toutes les infos sur Facebook. Clean Bandit, c'est ce qui arrive à 8h22 ce matin. They brought me to my knees. Oh, you're haunting me, taunting me, all in my brain. Turn out the light and now all up a maze. Fills me with doubt and I'm shouting your name out loud. Why do you wanna put me through the pain? I get the feeling I'll never escape. I get high and away from the shame of you. Tears on the ground, tears on my pillow. You won't bring me. Continue à parler cinéma dans un instant avec notre invité Jimmy Labeu qui sort son nouveau film Le Correspondant. On en parle jusqu'à 9h. Avant ça, c'est Lost Frequencies qui arrive dans quelques secondes, ainsi que la talentueuse Ari Strefi avec son titre Bonne Bonne.

Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous êtes sur Fun Radio les amis, les 8h37. Et dans quelques petites secondes, c'est Boosty et Feel Alone qu'on va s'écouter côté son dance floor. Justement, on continue à parler ciné avec Jimmy Labeu ce matin. Ton premier film, il est sorti hier, il s'appelle Le Correspondant. Alors c'est quand même pas mal parce que tu partages l'affiche avec des grands noms comme Sylvie Testu ou encore Charles Berling. Qu'est-ce que tu as ressenti, Jimmy, le premier jour en montant sur le plateau? Franchement, la première fois qu'on m'a... C'était dans un couloir d'école, qu'on a tourné le premier jour. Je devais courir, j'avais pas de texte. C'est tout con, je devais courir dans un couloir. Et on m'a dit action. Et on m'a dit couper. Et là, j'ai fait putain, c'est ça que je vais faire toute ma vie. C'est vraiment ça que... Tu fais chaque instant. Ah oui, tout. Après, il y a des moments chiants, genre l'attente pendant 3 heures. Mais ça, c'est le cinéma. Ça, l'attente, c'est le cinéma. Tu tournes, en réalité, t'as une journée de 6 heures du matin à 23 heures, mais tu tournes 4 heures sur la journée. Et c'est d'autant plus crevant d'attendre que de tourner. Attendre et ne rien faire. Ouais, voilà, c'est crevant de ouf. On s'en rend pas compte, mais je préfère tourner non-stop de 7 heures du matin à 23 heures, non-stop, que de tourner que de midi à 4 et en attendant le maquillage, les costumes, le machin, ça va pas, la lumière, le machin. C'est parti du job. Oui, c'est le métier, c'est comme ça, c'est le cinéma, mais tourner, c'est vraiment incroyable. Le grand public te connaissait comme youtubeur, tu te filmais dans ta chambre, c'était le principe, tu filmais ton quotidien avec ton smartphone. Ici, le changement littéral, tu te retrouves sur un plateau avec des grosses caméras de cinéma. Non, franchement, mais c'est marrant, c'est bien parce que c'est comme si c'était un théâtre privé, quoi. Quand tu tournes, comme tu dis, t'as 40 personnes autour de toi qui te regardent jouer, finalement. Donc c'est comme une pièce de théâtre, mais avec des gens en privé, quoi. C'est ça que j'aime bien. Mais non, c'est vrai qu'au début, j'ai pas du mal, mais un peu de pression, genre, est-ce que je vais bafouiller? Est-ce ouais, qu'on... Moi, le premier rôle. Voilà, c'est ça. Et encore, même pas, c'est plutôt le... Est-ce que je vais y réussir? Est-ce que je vais pas bafouiller la première fois? Bien sûr, tu bafouilles tout le temps. Hein. Tous les acteurs, même que ce soit moi ou George Clooney, tout le monde bafouille, tout le monde fait des erreurs de texte à tout le monde. Mais c'est un petit coup de pression que j'avais au début. Et puis finalement, à la fin, je me dis, t'as bien des caméramans, des ingés lumière, des ingés son qui font des conneries sur le plateau, qui se trompent. Alors nous, pourquoi pas? Donc je me suis dit, pourquoi pas moi? Si je me trompe, c'est pas grave. Hein. Voilà, au début, je me posais la question là. Maintenant, sur le deuxième film que j'ai fait, aucun souci, j'avais plus de problème là. Le troisième, encore pire. Voilà, tout va de mieux en mieux. Quand on regarde le film, on se pose la question, est-ce que tu es exhibitionniste? Exhibitionniste. Et on te voit pratiquement tout le temps. En boxeur ou en boxeur? Ouais, mais écoute, j'aime bien. Ça me déplaît pas, franchement. C'est pas... Je pense que je suis pas pudique du tout. Je suis un des mecs les moins pudiques du monde. Je pense que j'ai aucun souci à me montrer... Alors que j'ai pas le corps d'Arnold Schwarzenegger, quoi. Mais j'ai aucun souci à me montrer en caleçon, en moule-bite, comme ça, avec juste... Toujours dans la déconne, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai pas... Bah, d'ailleurs, hier, je tourne dans un film en ce moment. Hier, je faisais une scène où j'étais totalement en caleçon Bob l'éponge, en plein milieu d'un champ. Avec plein de gens autour, des festivaliers. Même j'ai aucune gêne, ça me fait rire, parce que tu vois ce que j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Si je dois le faire, je le ferai, quoi. Oui. Voilà, c'est pas un souci. On continue d'ailleurs avec toi de parler justement de la sortie du Correspondant dans quelques secondes. Et j'ai des places à vous offrir, les amis, pour aller mater et découvrir ce film, Le Correspondant, qui vient de sortir. Franchement, je l'ai vu et il déchire, donc je vous le recommande. Pour tenter de remporter vos places, c'est très simple. Vous envoyez le code CINÉ, CINÉ, dès maintenant par SMS au 6322 pour 1€ le message. Bonne chance. Dimitri Vegas, Like Mike, c'est ce qui arrive dans quelques petites secondes. Et juste avant, c'est Boosty et Feel Alone à 8h41. Croupi à pleurer dans un coin de mon appartement. Je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines, coquines, mais je fais que teaser. Non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. Je tape dans les canettes vite, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Franchement, faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé. J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. Non, j'ai pas une vie droit. Mais pourtant, mes parents pensent que j'accumule les victoires. Cause I don't wanna be alone. I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone. plus jamais seul. Et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule, et je ne serai plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais seul, et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, et on ne sera plus jamais seul, même si nos vies sont casse-gueule. Bon réveil, bon début de journée sur Fun Radio, 8h43. Le duo belge Dimitri Vegas et Like Mike, c'est ce que je vous cale dans quelques petites secondes côté son dance floor. Juste avant, on continue à parler cinéma ce matin entre 8h et 9h dans Summer Fun avec notre invité Jimmy Labeu qui est venu nous présenter son nouveau film Le Correspondant, pour lesquels on a des places à vous offrir. Je vous explique tout ça dans quelques instants. Alors Jimmy, tu joues le rôle de Malo dans le film. C'est un garçon qui est un peu entré, qui est un peu loser à l'école. C'est quoi le ou les points communs qu'il y a entre Malo et Jimmy? C'est le même acteur. Sinon, je sais pas, tête. La même tête. Non, sinon. Les points communs, les ressemblances entre les deux, est-ce qu'il y en a un petit peu, beaucoup, ou est-ce que littéralement les deux sont différents? C'est fort différent. C'est fort différent. J'ai pas de paragraphe précis pour décrire, mais c'est fort différent. En tout cas, comme je suis dans le film, j'étais pas du tout comme ça dans à l'école, quoi. Mm-hmm. Parce que Malo ne se sert pas forcément de l'humour à l'école. Il s'en sert même pas, il subit sa loserie, si j'ai envie de dire. Mais bon, j'ai la chance de jamais vivre ça, donc voilà, mais non. Après, on est pareil sans être pareil, quoi. C'est moi, mais c'est même pas 50-50, là, c'est 80-20. Là. Il y a 20% de moi parce que c'est moi à l'image et que c'est ma voix et tout, donc c'est moi, mais sinon, c'est pas du tout. Tu te définis comment maintenant, en fait? T'es encore un youtubeur, t'es devenu comédien, t'es humoriste? Acteur. Hey, je suis acteur maintenant. J'ai fait deux films déjà qui vont sortir, un troisième ici. Ah non, sans me penser, si, je peux me considérer acteur maintenant. Mais je pense. Mais c'est la différence entre youtubeur, acteur. Dans ta tête, tu es quoi? Comédien. Comédien. Comédien. On peut être aussi bien comédien sur YouTube que aussi. Ouais, si, bien sûr, comédien. Et j'espère un jour faire un drame ou quelque chose de plus sérieux, là, je pourrais me dire acteur. Le Correspondant vient tout juste de sortir au cinéma. Jimmy, il est sorti hier. Où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver après? Au ciné, sur YouTube, sur les planches? Donc il y a Le Correspondant ici 24, il y a Tamara qui a été tourné juste après Le Correspondant. Genre, Tamara. Ouais, qui sort le 26, la veille de mon anniversaire, ça fait un petit cadeau d'anniversaire. Ouais, beau cadeau. Là je suis en train d'en tourner un, ça s'appelle Rattrapage. Je vais en tourner un en novembre. Et j'en ai un en début d'année, au mois de février. Ça s'enchaîne de tout. Tout s'enchaîne, c'est magnifique. Un grand merci Jimmy d'avoir été avec nous ce matin. Et puis bonne continuation pour la suite. 5 films de Jimmy Labeu qui vont arriver jusque 2017. On a hâte de découvrir tout ça. Ce qui est sûr, c'est que moi je vous amène découvrir ce film Le Correspondant dans les prochains jours. Pour tenter votre chance de repartir avec vos places de ciné, très simple. Vous envoyez le code CINÉ, C-I-N-E, dès maintenant par SMS au 6322 pour 1€ le message. Bonne chance. Party all night, all summer. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Chérie, je vais jeter les bouteilles vides. Bah, tu veux que je le fasse? Non, non, non. Ce mois-ci, rapportez vos flacons de parfum aux produits de soins vides chez Ici Paris XL. Nous les recyclerons et vous recevrez en échange une réduction de 15% sur votre nouveau parfum ou soin. Ici Paris XL. T'es prêt? Ouais, alors c'est bleu et on peut y mettre tout pour la rentrée. Allez, c'est pas difficile. Ah oui, et ça se met sur le dos. Oui. Je vois pas, non. C'est le sac de la rentrée. Chez Deleuze, ce samedi 27 août, à l'achat de minimum 50€, vous recevrez un chouette sac à dos Mer du Nord gratuit. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Voir conditions de l'offre en magasin. Fun Radio. Fun Radio. Como tú te llamas, yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te llamas. Amar.

On démarre la journée, on termine la semaine ensemble sur Fun Radio, il est presque 9h. Dans quelques petites secondes, c'est le titre de Cheat Code Sex que je vous cale sur Fun Radio. Juste avant, je vous envoie dans un manoir somptueux qui date du 20e siècle. Oui, je vous envoie au terme de Grimbergen, les amis, pour vous relaxer et vous détendre. C'est bientôt la rentrée scolaire. On a donc décidé avec Audrey, qui vous offre également des séjours et des soins tous les jours entre 17h et 20h, et bien de vous gâter, de vous détendre. Alors pour repartir avec votre accès au terme, massage au corps, 6 jours même peut-être, cure printemps de luxe pour deux, avec le package complet, hein, chambre supérieure, petit déjeuner, massage. Vous envoyez beauté dès maintenant par SMS au 6082 pour 1€ le message, en retrouvant toutes les infos, évidemment, sur funradio.be. Bonne chance. Fun. Fun Radio. Il est 9h sur Fun Radio, on démarre la journée ensemble avec un tour de l'actu. Elle est signée Jean-François Servais. Salut Jeff. Bonjour Anto, bonjour à tous. En Italie, après le tremblement de terre qui a secoué le pays, il y a un peu plus de 24 heures, le bilan des victimes augmente malheureusement d'heure en heure avec un dernier chiffre de 247 victimes. Toujours un très grand nombre de blessés. Des centaines de disparus pris au piège dans leurs maisons qui se sont écroulées alors qu'ils dormaient à point fermé sont toujours recherchés. Et le bilan risque donc encore malheureusement de s'alourdir. La police italienne a mis en place un dispositif pour éviter les chacals, un nom donné en Italie aux pilleurs de maisons vidés de leurs habitants. Après cette catastrophe naturelle, des camps de tentes ont été installés à proximité des villages touchés par le séisme pour accueillir quelques 2500 personnes désormais sans toit. Après plusieurs années de baisse, le taux de chômage des jeunes devrait croître en 2016. Le nombre de sans-emploi âgés de 15 à 24 ans devrait augmenter d'un million et passer à 71 millions dans le monde. Le taux de chômage des jeunes atteindrait ainsi un peu plus de 13% en 2016 et même en 2017. Globalement, les pays développés sont davantage touchés par le chômage des jeunes que les pays émergents ou en développement. Le chômage des jeunes est le plus élevé dans les États arabes comme l'Irak, le Koweït, le Liban ou la Jordanie, ainsi qu'en Afrique du Nord où 30% des jeunes hommes et femmes sont sans emploi. En Europe, la situation devrait rester préoccupante avec près de 20% de chômage chez les jeunes dans les années à venir. Chez nous, le mouvement réformateur organisera le 21 septembre une réunion publique afin de proposer la fin de l'obligation de vote. Selon le délégué général du MR, Georges-Louis Boucher, l'obligation de vote actuellement en vigueur accorde un avantage au Parti Socialiste dans ses bastions liégeois et ennuyés. Le caractère obligatoire du vote pousserait aussi certains mandataires à la passivité, étant donné qu'ils sont certains d'être réélus. Et puis, selon une enquête de l'hebdomadaire Paris Match, on apprend ce matin que Ibrahim et Khalid El Bakraoui avaient initialement comme objectif de perpétrer un attentat en France, probablement lors de l'Euro de football et à l'aéroport néerlandais de Schiphol. Bruxelles ne constituait pas leur cible prioritaire. Toujours selon l'hebdo français, les frères El Bakraoui ont probablement visé le hall des départs de Bruxelles Airport et la station de métro Malbaie, car ils ont été contraints d'agir dans l'urgence après la découverte de la planque située rue de Driss le 15 mars et la capture de Salah Abdeslam à Molenbeek le 18 mars. On termine par un mot sur le sport et du football pour vous dire que trois clubs belges jouent ce soir pour poursuivre leur route en Europa League. Vainqueur 0-3 à l'aller, Anderlecht devrait assurer le coup face au Slavia de Prague à domicile. Ça s'annonce un peu plus compliqué pour Genk qui a partagé l'enjeu au Lokomotiva à l'aller. Mené 2-0, l'équipe croate avait réussi à arracher le match nul 2-2. Les Limbourgeois devront donc rester sur leur garde. Et puis la Gantoise devra gérer son maigre avantage du match aller remporté sur le score de 2-1 au moment de se déplacer en Macédoine à Skendija. En Ligue des Champions, enfin, Manchester City a obtenu son ticket qualificatif pour les poules hier, tout comme Copenhague et Rostov, le bourreau d'Anderlecht. Un Belge s'est également mis en évidence hier soir. Thorgan Hazard a réalisé un triplé avec le Cop allemand de Mönchengladbach qui a fait aussi partie des équipes qui attendent maintenant le tirage de poule qui a lieu ce soir à 18h à Monaco. Le club de Bruges, champion de Belgique en titre, fait également partie des qualifiés. Fun. Fun Radio. L'œil de pont le prend le contrôle de Fun Radio dans quelques secondes. Il a pour vous côté son dancefloor un petit Milo. On se fait un petit plaisir également avec Rihanna et le tout nouveau Kungs dans quelques petites secondes. Juste avant, côté météo, que se passe-t-il dans le ciel aujourd'hui, Jean-François? Que des bonnes nouvelles, Antoine. Ah. Le temps va rester ensoleillé avec tout au plus quelques voiles d'altitude. Mais les températures vont encore être plus hautes qu'hier, puisqu'on parle de 29 degrés en Haute-Fagne et à la mer et jusqu'à 34 degrés en campine. Le temps va rester estival tout au long de ce week-end avec quelques risques d'orages locaux. On vous donne rendez-vous pour le prochain rendez-vous de l'info à midi avec Carlo Morello. Moi, je vous retrouve dès demain 6h et tout de suite c'est le son dancefloor sur Fun Radio avec Cheat Codes. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son dancefloor. Fun Radio. Fun Radio. That was unforgettable. I wanna do it again. You're crazy like an animal, and I don't want it to end. Tell me all your dreams in darkest fantasies. Ooh. Let's talk about sex, baby. Let's talk. sex. Allez, c'est parti, où que vous soyez en Belgique, on démarre la journée sur Fun Radio à 9h07 avec dans quelques petites secondes le nouveau Kungs, Don't You Know, c'est ce que je vous balance. Et d'ici là, je vous l'avais promis, je vous offre vos soins relaxation au terme de Grimbergen dans ce somptueux manoir du 20e siècle, franchement sympathique. On a un gagnant du jour avec nous par téléphone, il s'appelle Dylan, il a 22 ans, il habite Bruxelles. Salut Dylan. Hey, salut Anto. Comment ça va bien ce matin? Très bien, vous? Ah bah écoute, très très bien. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Dylan. Tu vas pouvoir aller te détendre, te relaxer avec ta copine, car tu repars avec ton soin en relaxation pour Grimbergen. Bravo! Ouh! Cool! Je t'envoie ça directement à la maison sur Bruxelles. Je sais pas ce que tu fais comme métier, Dylan. Je suis boucher. Tu es boucher. Un métier qui peut être plutôt stressant avec l'arrivée des clients, avec ici la reprise des cours et donc justement peut-être l'affluence des familles. Et bien justement pour toi et ta femme ou ta compagne, mon Dylan, je t'envoie tout ça à la maison pour pouvoir aller profiter de soins pour deux personnes avec accès au terme et massage de corps. Bravo mon Dylan, je te fais des bisous, à très bientôt. Je vous fais des photos alors. Mais pas de problème, tu fais des photos et t'envoies tout ça sur la page Facebook de la radio. Mais juste un essuie, cache un peu avec un essuie, sinon le reste c'est avec plaisir, on prend. Merci. Des bisous Dylan, à très bientôt. Vous avez vous aussi envie de repartir avec votre pack soins beauté les amis? Bah c'est très simple, même peut-être votre séjour cure printemps de luxe avec chambre supérieure, petit déj et massage au terme de Grimbergen. Vous envoyez beauté dès maintenant par SMS au 6322 pour 1€ le message. Et ce sera également à gagner chez Audrey ce soir entre 17h et 20h. Quant à moi, je vous retrouve demain entre 6h et 9h pour la dernière de Summer Fun. Et ouais, après lundi sera la rentrée des classes. Une dernière avec plein de surprises, des rendez-vous, des invités également, un puits des jeux et plein de cadeaux que j'ai pour vous. D'ici là, on reste connectés ensemble sur Facebook, sur la page de Summer Fun. Et puis Lloyd débarque dans la suite avec plus de 40 minutes de stand dance floor non-stop. Milo, c'est ce qui vous réserve, un petit Rihanna également. Et puis juste avant, c'est Kungs. Excellente journée sur Fun.